pêcheur d'Islande. Quatrième partie. Chapitre 6. C'était 6 jours avant le départ pour l'Islande. Leur cortège de noces s'en revenait de l'église de Ploubazlanec, pourchassé par un vent furieux, sous un ciel chargé et tout noir. Au bras l'un de l'autre, ils étaient beaux tous deux, marchant comme des rois, en tête de leur longue suite, marchant comme dans un rêve. Calmes, recueillis, graves, ils avaient l'air de ne rien voir, de dominer la vie, d'être au-dessus de tout. Ils semblaient même être respectés par le vent, tandis que derrière eux, ce cortège était un joyeux désordre de couples rieurs que de grandes rafales d'ouest tourmentaient. Beaucoup de jeunes chez lesquels aussi la vie débordait, d'autres déjà grisonnants, mais qui souriaient encore en se rappelant le jour de leurs noces et leurs premières années. Grand-mère Yvonne était là et suivait aussi, très éventée, mais presque heureuse, au bras d'un vieil oncle de Yann qui lui disait des galanteries anciennes. Elle portait une belle coiffe neuve qu'on lui avait achetée pour la circonstance et toujours son petit châle retint une troisième fois en noir à cause de Sylvestre. Et le vent secouait indistinctement tous ses invités. On voyait les jupes relevées et les robes retournées, des chapeaux et des coiffes qui s'envolaient. À la porte de l'église, les mariés s'étaient achetés, suivant la coutume, des bouquets de fausses fleurs pour compléter leur toilette de fête. Yann avait attaché les siennes au hasard sur sa poitrine large, mais il était de ceux à qui tout va bien. Quant à Gaude, il y avait de la demoiselle encore dans la façon dont ses pauvres fleurs grossières étaient piquées en haut de son corsage, très ajusté, comme autrefois sur sa forme exquise. Le violonnaire qui menait tout ce monde, affolé par le vent, jouait à la diable. Ses airs arrivaient aux oreilles par bouffées, et dans le bruit des bourrasques, semblait une petite musique drôle, plus grêle que les cris d'une mouette. Ploubazlanec était sorti pour les voir. Ce mariage avait quelque chose qui passionnait les gens, et on était venu de loin à la ronde. Au carrefour des sentiers, il y avait partout des groupes qui stationnaient pour les attendre. Presque tous les Islandais de Paimpol, les amis de Yann, étaient là, postés. Ils saluaient les mariés au passage. Gaude répondait en s'inclinant légèrement comme une demoiselle, avec sa grâce sérieuse, et tout le long de sa route, elle était admirée. Et les hameaux d'alentour, les plus perdus, les plus noirs, même ceux des bois, s'étaient vidés de leurs mendiants, de leurs estropiés, de leurs fous, de leurs idiots à béquilles. Cette gente était échelonnée sur le parcours, avec des musiques, des accordéons, des vielles. Ils tendaient leurs mains, leurs sébiles, leurs chapeaux pour recevoir des aumônes que Yann leur lançait avec son grand air noble et Gaude avec son joli sourire de reine. Il y avait de ces mendiants qui étaient très vieux, qui avaient des cheveux gris sur de têtes vides, n'ayant jamais rien contenu. Tapis dans les creux des chemins, ils étaient de la même couleur que la terre, d'où ils semblaient n'être qu'un complètement sorti, et où ils allaient rentrer bientôt sans avoir eu de pensée. Leurs yeux égarés inquiétaient, comme le mystère de leur existence, avortée et inutile. Ils regardaient passer sans comprendre cette fête de la vie pleine et superbe. On continua de marcher au-delà du hameau de Porthaven et de la maison des Gaos. C'était pour se rendre, suivant l'usage traditionnel des mariés du pays de Ploubazlanec, à la chapelle de la Trinité qui est comme au bout du monde breton. Au pied de la dernière et extrême falaise, elle pose sur un seuil de roche basse, tout près des eaux, et semble déjà appartenir à la mer. Pour y descendre, on prend un sentier de chèvres parmi des blocs de granit. Et le cortège de noces se répandit sur la pente de ce cap isolé, au milieu des pierres, les paroles joyeuses ou galantes, se perdant tout à fait dans le bruit du vent et des lames. Impossible d'atteindre cette chapelle. Par ce gros temps, le passage n'était pas sûr. La mer venait trop près pour frapper ses grands coups. On voyait bondir très haut ces gerbes blanches qui, en retombant, se déployaient pour tout inonder. Yann, qui s'était le plus avancé, avec Gaud appuyé à son bras, recula le premier devant les embruns. En arrière, son cortège restait échelonné sur les roches, en amphithéâtre. Et lui semblait être venu là pour présenter sa femme à la mère. Mais celle-ci faisait mauvais visage à la mariée nouvelle. En se retournant, il aperçut le violonnaire, perché sur un rocher gris, et cherchant à rattraper entre deux rafales son air de contredanse. « Ramasse ta musique, mon ami !» lui dit-il. « La mer nous en joue d'une autre qui marche mieux que la tienne. » En même temps, commença une grande pluie fouettante qui menaçait depuis le matin. Alors ce fut une débandade folle avec des cris et des rires pour grimper sur la haute falaise et se sauver chez les Gauss.